Fermez les yeux et imaginez. La nuit est tombée. C'est ici que vous dormirez ce soir. La tente est montée, les hamacs sont tendus. Le feu est allumé. Un autre visage de la forêt apparaît. Les habitants du jour sont allés se coucher quand ceux de la nuit s'éveillent. Chaque son est plus présent. Le vent au loin, le bruissement des feuilles, le ululement du hibou. Le feu crépite et autour de lui vos compagnons de ce soir. Amis de toujours ou rencontres éphémères, le bivouac est un lieu propice aux confidences et aux histoires. Peut-être que l'un d'eux est musicien et que ses notes résonnent au creux de la nuit. Laissez-vous bercer par la lumière des flammes et la respiration de la nature qui vous entoure. Écoutez les récits de voyage de ces gens. Profitez de l'instant présent, de ce moment si unique. Apprenez, inspirez-vous et surtout partagez. Et bienvenue dans Feu de camp. Bonjour à tous et bienvenue dans Feu de camp. Pour cet épisode d'été, nouvelle destination et surtout nouvel objectif de voyage. On a tous nos raisons de voyager. Certains le font pour leur travail, d'autres pour découvrir de nouvelles cultures, de nouveaux paysages, certains pour le sport ou pourquoi pas pour donner de soi et de son temps en s'investissant dans une cause humanitaire. Hugo, lui, a voulu fuir. Fuir quoi et où ? Je le laisse parler et vous raconter. Alors bonjour, je m'appelle Hugo Ladavière, j'ai 28 ans, j'habite en région parisienne et j'ai suivi une formation en audiovisuel de 3 ans. Quand on était petit, on est parti plusieurs fois en voyage sans partir très loin. On est parti en Corse assez souvent. Et on a fait quelques voyages aussi beaucoup plus loin. Donc on a été en 98, on avait été à Tahiti avec mes parents et ma sœur. Et 2 ans après, on était parti en Martinique. C'était vraiment jusqu'à mon adolescence, quoi. C'est vrai qu'après... Je suis parti en voyage, mais plutôt tout seul ou de temps en temps avec des amis, mais en général seul. Parce que le premier voyage, grand voyage en tout cas que j'ai fait tout seul, c'était en Australie à Sydney, parce que je suis parti, j'avais pas encore 18 ans. Et c'est vrai que suite à ça, ouais, ça m'a toujours intéressé de voyager, puisque c'est vrai que là, je trouvais que la routine s'inscrivait assez rapidement quand je restais chez moi. Et du coup, j'avais envie de voir autre chose. Donc, c'est vrai que... Enfin, je voyageais pour échapper à la routine, quoi. En 2007, j'ai fait un premier voyage en Australie. L'année suivante, je suis parti en Afrique, tout seul. J'étais en terminale L à Versailles. Et j'étais dans une classe où je m'entendais pas forcément avec les gens, je me faisais pas vraiment d'amis, donc du coup je me sentais un peu seul. Et puis tous les jours c'était un peu la même chose, j'avais 4 heures de cours par jour, donc c'était très peu d'heures finalement à la semaine. Les cours m'intéressaient pas, la façon dont les professeurs enseignaient, je trouvais que c'était une façon très magistrale d'enseigner, et du coup il y avait peu d'échanges, donc... En général, au lieu d'aller en cours, j'allais souvent au cinéma. Bon, je sais pas ce qui était le mieux finalement, mais parce qu'en cours, j'écoutais pas forcément ce qui se passait, donc c'est un peu échappé à quelque chose. Mais finalement, pour ne pas prendre beaucoup plus de choses, je m'ennuyais en fait concrètement. Et bah, quitte à faire autre chose, autant faire quelque chose qui m'intéresse et qui va m'apporter quelque chose de plus, quoi. Et un jour, je suis rentré chez moi et puis je dis bah je pars quoi. Personne n'était à la maison, il devait être je sais plus midi ou quelque chose comme ça, c'était en pleine journée. Donc j'ai pris un sac et puis je suis allé à l'aéroport d'Orly. Et en fait, j'avais pas de billet d'avion, je savais pas vraiment où j'allais, mais l'idée c'était d'aller au Maroc parce que c'était l'Afrique et puis qu'après je savais que je pouvais me déplacer, il n'y avait plus de mer à traverser donc je pouvais me déplacer par les moyens de transport locaux. Et j'ai pris un billet donc pour Casablanca. Le vol partait le soir, je suis resté quand même quelques heures à l'aéroport. Je suis monté dans l'avion et puis une fois dans l'avion, là, j'ai senti quand même une montée d'adrénaline comme. Je sais pas où je vais, je sais que j'atterris à Casablanca le soir, je sais pas où je vais dormir, je vais arriver vers minuit, je sais pas ce que je vais faire, mais mon objectif c'est d'aller dans le sud quoi. Je suis parti, le téléphone portable, c'est vrai que je l'ai laissé ici à la maison, on n'avait aucun moyen de me joindre et je suis parti ouais, sans prévenir personne quoi. Et c'est ça aussi qui a augmenté cette adrénaline quelque part parce que. Personne n'est au courant et du coup finalement je suis libre quoi. Enfin, je me sentais libre de faire ce que je veux, je pars et puis personne ne peut me retenir. C'est vrai que je pensais pas aux conséquences que ça pouvait avoir, en tout cas conséquences d'inquiétude que pouvaient avoir mes parents. Donc ça c'était un peu égoïste de ma part, mais en même temps ça m'a permis d'aller vraiment jusqu'au bout de ce dans quoi je me lançais. J'arrive à Casablanca. L'idée, c'était de rejoindre la gare routière pour prendre un bus de nuit et continuer la route, quoi. En fait, j'étais pas dans l'optique de bon, j'arrive, je vais à l'hôtel, je m'installe confortablement. C'était plus, c'était un peu de la fuite quelque part. Je prends un billet de bus pour Agadir, donc c'était vraiment la prochaine grande ville au sud de Casablanca. Je monte dans le bus. Et là, j'étais à côté donc d'un Marocain avec qui je commence à discuter, qui devait avoir peut-être une quarantaine d'années. Je ne sais plus de quoi en discuter, on se raconte un peu nos vies. Quelques temps plus tard, il me propose d'aller déjeuner chez lui. À cet âge-là, j'avais pas encore énormément d'expérience de voyage, donc j'ai refusé son invitation parce que j'avais pas forcément compte, même si le type était vraiment sympathique, mais. J'avais pas forcément confiance en l'étranger, quoi, en quelqu'un que je connaissais pas plus que ça. Je l'ai un peu regretté par la suite, parce que c'est vrai que j'ai fait des rencontres superbes après par la suite, mais ouais, c'est vrai qu'il voulait m'inviter à dormir chez lui, et moi j'ai pas osé. À Agadir, je suis allé dans un hôtel, mais je suis resté 2 heures dans l'hôtel en fait. C'était vraiment pour me reposer un peu, parce que j'avais très mal dormi dans le bus. Du coup, je suis resté 2 heures et après j'ai repris le bus le soir même pour aller toujours dans le sud du pays. Donc là, je me dirigeais vers la Mauritanie, mais je suis arrivé à Dakhla. Dakhla qui est une ville vraiment implantée en milieu du désert, qui était en fait une zone qui était à l'époque occupée, je crois, par les Espagnols. Donc du coup, ils parlaient un peu espagnol quand même dans ce coin-là. Je suis resté dans un hôtel que m'avait conseillé un autre Marocain que j'avais rencontré dans ce bus-là. Il me dit viens avec moi, je t'accompagne à l'hôtel et puis si tu veux on se retrouve, installe-toi et puis on se retrouve dans 1 heure au restaurant qui est en bas. Il me dit merci et puis 1 heure après je descends au resto, il était pas là donc bon, visiblement il m'avait aidé, mais il attendait rien en retour, quoi. Enfin, il n'attendait pas à ce qu'on se voit. Je sais pas, il a peut-être oublié, mais finalement, je l'ai jamais revu, ce type. Quand je suis arrivé au Maroc, c'est vrai que j'ai tout de suite senti beaucoup plus de chaleur entre les gens, quoi. Enfin, les gens échangent beaucoup plus. On sent que c'est des gens qui aiment bien dialoguer, et puis ils sont curieux de l'étranger, quoi. Enfin, de quelqu'un qui vient de l'étranger, quoi. Tandis qu'en France, on va être plus froid parfois entre nous. Moi, ouais, c'est ça que j'ai bien aimé, quoi. Parce que c'est vrai que je fuyais un peu aussi la France. Enfin, c'est peut-être une généralité de parler de la France, tandis que c'était plus l'école dans laquelle j'étais que je fuyais. Mais c'est vrai que, je sais pas, en France, j'ai l'impression que les gens sont plus froids, il y a moins d'humanité quelque part entre les gens. Donc j'arrivais de Dakhla au Maroc. Et là, j'avais pris un taxi brousse. C'est un moyen de transport local, mais c'est vrai que c'est pas forcément confort et pas idéal puisque tout le monde s'entasse dans des petits véhicules qui avaient le Mauritanien qui était le conducteur du taxi brousse et à l'arrière on était donc un Marocain, un Mauritanien, un mélange Mauritanien-Indien et moi-même assis donc dans la partie coffre du véhicule. Et eux, ils avaient amené leur réchaud. Ils préparaient le thé à la menthe à l'arrière du véhicule avec. On avait tous des pains, une espèce de pain plat là, locaux. Donc on mangeait et puis on buvait notre thé à l'arrière de la camionnette, quoi. Et après, le soir, donc moi je dormais dans la camionnette. Et quand on est arrivé à Nouakchott, le conducteur, donc avec un ami qui nous a reçus, comme il faisait déjà 45 degrés. On est resté à l'intérieur toute la journée. C'est une espèce de grande pièce dans une maison en adobe, là, de la terre cuite. On déjeunait, on mangeait le couscous avec la main. Donc, ça, c'est aussi quelque chose qui n'est pas évident, parce que c'est vrai que quand tu n'as pas l'habitude de manger avec la main, t'en fous un peu partout. Puis après, on buvait du thé toute la journée. Il disait, ouais, c'est bon pour la digestion. Et puis après, tu dors, quoi, parce que. C'est vrai qu'il fait tellement chaud que tu sors pas, quoi. Donc là, je suis resté toute la journée chez ces gens. Et le soir, j'ai repris la route dans un autre taxi-brousse où on devait être 8 dans une espèce de Volkswagen coupé, là. C'était l'enfer. C'est beaucoup d'heures de route dans des conditions où y a pas, l'état des routes n'est pas le même qu'en France. Donc forcément, ça secoue beaucoup. Et dès qu'il commence à faire chaud, c'est insupportable. Il n'y avait pas vraiment d'ambiance parce que finalement, moi je devais avoir la joue collée contre la vitre, transpirant, et finalement la communication était assez compliquée. C'est un petit peu comme se retrouver dans le RER A à Paris en période de pointe, quoi. C'est-à-dire que le mouvement n'est pas possible, quoi. Donc, t'es là, tu peux pas forcément échanger, les gens parlent pas forcément très bien le français en Mauritanie, donc. Donc là, c'est un peu compliqué, quoi. Donc c'est vrai que t'es plus là à te dire, bon, bah, quand est-ce que j'arrive? Je regarde un peu ce qui se passe à l'extérieur et tout, mais je subis surtout la chaleur et puis le manque d'eau. Et puis voilà, j'attends juste que ça se termine, quoi. C'est un peu ça. C'est vrai que j'étais tombé sur un chauffeur un peu couillon. J'avais beau lui dire que j'avais soif, il s'en fichait un peu. Ça faisait des heures que je lui demandais s'il pouvait s'arrêter et que. Pour lui c'était non, on s'arrête quand on arrive, quoi. Mais avant, tu te retiens. Moi j'avais du mal et c'est vrai que là, je tombais à moitié dans les pommes, que ça ne le dérangeait pas plus que ça. En arrivant à la capitale du Mali, j'avais tellement soif que je suis parti, je l'ai pas payé, je suis sorti de la voiture et je me suis barré, quoi. J'ai commencé à marcher, et alors je marche comme ça, alors j'étais paumé, je connaissais rien, j'avais jamais été à Bamako. Puis au bout d'un moment, il y a un grand black qui se dresse devant moi, genre videur de boîte. Et là, il me dit, tu vas payer mon ami. Et je dis, oula, bon d'accord, là, je crois que je peux pas faire grand-chose pour me défendre. Et du coup, il m'a emmené. Et c'est vrai que j'avais pas de quoi le payer, en fait, vraiment directement sur moi. Donc il m'emmène au distributeur pour retirer. Je retire. Évidemment, il y a son ami Gringalet, là, qui était à côté de cette espèce de montagne noire, là. Qui me dit, oui, bon, tu me dois tant, alors que c'était pas du tout le tarif prévu, évidemment, il en a profité pour m'arnaquer un peu. Mais bon, finalement, bon, ça, tout s'est arrangé, j'ai pu être libre. C'est un peu les choses imprévues du voyage, les petits incidents qui peuvent arriver, quoi. Ça faisait. Une semaine que j'étais parti de Casablanca. J'avais tellement subi dans cette voiture, en plein cagnard, que je suis resté finalement dans un hôtel à Bamako une nuit. C'est le seul endroit où j'ai trouvé un moyen de me connecter à Internet. Alors à l'époque, on avait MSN, c'était pas Facebook et tout ça. Je me connecte sur MSN. Et j'ai une amie de l'internat dans lequel j'étais entre la seconde et la première. C'était pas parlé quand même depuis un moment. Salut Hugo, comment tu vas? Après, elle commence à me demander, mais tu es où? Mais elle insiste, elle continue d'insister en me demandant. Elle veut savoir où je suis. Et je trouvais ça très étrange, quoi, comme question qu'elle me demande. Tu es où? Alors que finalement, on se parlait pas depuis déjà quelques temps. Après, finalement, je prends contact avec mes parents, aussi par MSN. Donc là, je leur annonce que je suis à Bamako, donc au bout d'une semaine. Ils étaient au début assez énervés, je pense. Et puis, ils ont fini par être surtout très inquiets. Et puis, donc là, ça les rassure de savoir où je suis. C'est vrai qu'après coup, j'en ai pris conscience, parce qu'ils avaient fait des démarches, ils étaient allés voir la police. Ma mère, je crois, avait contacté ma grand-mère, qui connaissait quelqu'un qui pouvait lancer des recherches, en tout cas en Afrique. Enfin bref. Mais le seul truc, c'est que comme j'étais déjà majeur, la police disait, bah, il est majeur, c'est son droit, il ne peut pas lancer de poursuite, c'est pas un enlèvement. Donc ma mère est rassurée. Mon père aussi, et lui, il m'encourage à ce moment-là à continuer, maintenant que je suis en Afrique, à continuer ce voyage, quoi. Il dit, maintenant que tu y es, bah, profites-en. J'étais agréablement surpris par leur réaction. Je m'attendais pas à avoir un retour aussi sage, finalement, de leur part, aussi compréhensif. Moi, j'ai poursuivi mon voyage un peu comme si je les avais pas contactés. Mais qu'ils me sachent, eux, en vie, enfin, qu'ils soient au courant que j'aille bien, ça m'a aussi rassuré de mon côté, quoi. Alors, je reste une nuit à Bamako, dans l'hôtel, je croise un guide avec qui je discute un peu et qui me propose de m'emmener dans les villages plus au nord du Mali. C'est vraiment les villages typiques du Mali, les villages Dogon, en fait, ce qu'ils appellent. Le guide, c'était en fait un natif de ce village, donc il était vraiment de la région. Il connaissait un peu tous les secrets. En remontant la falaise, il y a des espèces de toutes petites structures aussi en terre. Et en fait, c'était anciennement les premiers villages où vivaient avant les pygmées. C'était vraiment très bas de plafond, ça devait faire, je sais pas, 1,30 m ou je sais pas quoi, et les gens vivaient là-dedans, mais c'était minuscule, quoi. Moi, j'ai passé donc une nuit dans ce village et on a goûté donc aux plats typiques, ces espèces de pâtes un peu particulières. Tous les plats sont souvent cuisinés avec une base d'arachide souvent. Bon, c'est toujours des pâtes, c'est des plats assez simples quand même. Mais ouais, toujours un accueil assez quand même assez chaleureux quoi. Les gens sont plutôt souriants en général. Et puis là, c'est vrai que la barrière de la langue existait moins. Le Mali parle mieux français qu'en Mauritanie, par exemple. Le soir, j'avais envie d'aller aux toilettes. Une des maisons en terre cuite, quand on n'y rentre pas, on monte sur le toit. Et sur le toit, il y a un grand trou. Et c'est leur toilette, en fait. Et toute la partie en dessous, bah, c'est réservoir, en fait, de merde, quoi. Et moi, c'est vrai que j'ai toujours un peu des réflexes de confort. Et quand je suis arrivé là-haut, je dis, juste un trou, qu'est-ce que je vais faire? Enfin, je voulais pas me mettre dans la position qui est finalement la position naturelle pour faire ses besoins. Mais j'aimais bien, tu vois, le côté, enfin, avoir un support pour me poser, pour m'asseoir, quoi. Comme on a chez nous, donc la cuvette, quoi. En fait, il y avait un escalier donc, pour monter sur le toit. Et au pied de cet escalier, il y avait une espèce de grand pot. Et du coup, je monte le gros pot là, et je l'installe juste au-dessus, il rentrait parfaitement au-dessus, il entourait le trou, puis je m'assois là-dessus. Et puis j'avais aussi mon guide du routard africain, et puis je m'installe, et puis je lis mon guide. C'était assez amusant. Par la suite, on a continué, et puis là, on n'était plus très loin de la frontière du Burkina Faso, donc on s'y est vite retrouvé. Donc je quitte le guide. J'arrive à Bobo Dioulasso, la première grande ville du Burkina Faso, et je monte dans un bus qui m'emmène à Ouagadougou, la capitale. Puis là, je m'assois à côté d'un blanc, ce qui est assez rare quand même dans ces pays-là, qui était australien, donc c'est assez drôle parce que j'y avais été l'année précédente. On était dans le bus, donc je discutais avec cet Australien, et d'un coup, je sens que le bus bascule assez brutalement quand même. Il freine, il finit par s'arrêter et on descend tous du bus. On aperçoit la roue avant droite qui est complètement déchiquetée en plein de morceaux, quoi. Le pneu avait littéralement explosé. Et du coup, on attend en plein cagnard sur la route. Et là, j'étais assez surpris parce qu'ils ont fait assez vite, en fait. Sont arrivés avec un pneu de rechange. Enfin, le pneu, quand même, il devait venir de je sais pas où. Là, il y a un mec qui a ramené. Et puis, ils ont changé le pneu. Et finalement, je crois, en 1 heure, c'était changé, quoi. Donc, ça m'avait assez surpris. Je me suis dit, bon, là, c'est bon, on campe et on en a pour la journée, quoi. Et en fait, c'est allé assez vite. On continue, on arrive à Ouagadougou le soir, et l'Australien me propose d'aller boire un verre en ville, quoi. Donc on va dans un bar sympa avec une musique un peu musique locale, plutôt cool. Le serveur du bar, je discute un peu avec lui, c'est un Burkinabé. Il finit par me dire, bah si tu sais pas où dormir demain. Alors là, c'est vrai que sur ce jour-là, j'avais déjà trouvé un endroit où dormir, mais il me dit, si tu veux, viens dormir à la maison dès demain, quoi. Donc il m'invite chez lui, et finalement, je commence un peu à m'installer chez lui, quoi. Il vit avec son oncle et sa sœur. Je sais pas, peut-être qu'elle avait 14 ans, quelque chose comme ça. Et ce qui m'avait assez frappé, d'ailleurs, c'est que donc, les hommes font pas grand-chose. Ils errent, ils sortent, ils boivent, ils se baladent. Enfin, lui, il faisait pas grand-chose. Après, je sais pas si c'est une généralité. Et la sœur, je la voyais, était tout le temps dans la cuisine. Et c'est elle qui faisait la bouffe pour tout le monde. Alors qu'elle était... C'est une gamine, quoi. Donc ça m'avait assez surpris. Quand j'ai commencé mon voyage au Maroc... J'ai pas ressenti forcément d'inégalité entre l'homme et la femme. Dès que je suis arrivé en Mauritanie, donc c'est vrai qu'on était toute la journée, nous, un peu peinards. Je me reposais encore plus qu'eux, parce que comme j'avais pas l'habitude de climat aussi chaud, j'ai un peu plus de mal à le supporter. Il y a toujours les femmes qui faisaient la cuisine, qui s'occupaient de la cuisine toute la journée, pendant que les hommes étaient allongés, buvaient leur thé tranquillement. Et les femmes, je crois que c'était souvent soit la fille du père de famille, soit sa femme, quoi. C'était assez curieux, parce que c'est vrai qu'en France, c'est très rare qu'une fille de 15 ans, en tout cas, fasse la bouffe pour ses parents, quoi, pour son père. Et là-bas, c'était souvent le cas. C'était pas des pasta box, hein, elle cuisinait vraiment, quoi. Des plats raffinés qu'elle préparait longtemps à l'avance. Puis les filles, alors les filles, elles cuisinaient aussi, mais elles étaient plus... Là, c'est plus elles qui s'occupaient de préparer le thé, par exemple. Ça m'avait un peu perturbé, ça, quand même, que ce soit des gamines en tout cas. Que ce soit la mère, bon, encore, ça m'avait pas choqué plus que ça, mais que ce soit des gamines comme ça, plus jeunes que moi, qui, moi, étaient déjà assez jeunes à l'époque, donc c'est vrai que c'était assez surprenant, quoi. Mais bon, voilà, c'était comme ça, et puis, bon, après, on mangeait un peu toujours la même chose. C'est du riz avec de la pâte d'arachide. Une fois, on a mangé des spaghettis. Alors comme ils mangent avec les mains, le riz avec la pâte d'arachide, ça se tente avec la main, mais le spaghetti, c'est un peu plus compliqué. Donc là, c'est vrai qu'ils avaient trouvé une fourchette. Et je l'ai mangé à l'européenne, quoi. Il y avait quand même d'autres Français dans le groupe qui étaient là. Et puis c'était une soirée un peu. Donc c'est vrai qu'ils avaient fait ça. C'était vraiment une grande potée, quoi. Ils n'avaient pas fait les spaghettis spécialement pour moi, mais... Bon, c'était un peu pour que tout le monde soit content, quoi, parce que finalement... Bon, après, moi, j'ai trouvé ça très bon, hein. C'est vrai qu'au niveau de la bouffe, j'ai jamais à me plaindre, c'était vraiment des saveurs que je connaissais pas. C'était assez exotique, quelque part, comme saveur. Je reste donc une semaine sur place. Je me balade donc avec ce Burkinabé qui m'emmène un peu avec lui à droite à gauche, voir ses potes... C'est vrai que finalement on fait pas grand chose, on se balade, on va manger des mangues, on va manger local dans les petits bouibouis. Il voulait aller en Europe, tous les matins il se rendait au service de l'immigration et il y allait vers 5-6 heures du matin, quoi. Donc en général je l'accompagnais, j'allais avec lui et puis on faisait la queue. Parce que le soir on allait parfois dans des bars, moi je lui payais ses coûts. Je sentais que je lui devais un peu quelque chose, quoi. Il m'hébergeait comme ça et c'est vrai que je lui payais rien. Donc je me suis dit bon c'est une façon aussi de contribuer à ma présence chez lui, quoi. Enfin, de ne pas trop m'inviter, quoi. Ils vivent avec très peu de moyens. Après, j'ai pas senti non plus de misère. Donc c'était pas au point de la misère non plus, je trouvais, parce qu'ils avaient quand même de quoi manger. Ça faisait donc 3 semaines que j'étais parti de Casablanca. Et là, bah, j'étais un peu bloqué parce que j'avais plus d'argent. J'avais plus rien. Avec l'argent que j'avais sur moi, je pouvais pas rentrer quoi, en France. Je pouvais pas non plus continuer mon voyage. Plus on a d'argent, plus le voyage va être un voyage confortable finalement. Plus confortable parce qu'on va utiliser un moyen de transport qui est, je sais pas, qui va être climatisé par exemple. Donc on va peut-être louer une voiture. Donc ça, évidemment, ça va créer un certain confort dans le voyage. Mais est-ce que finalement le confort c'est important? Parce qu'en fait, moi je pense que si on voyage plus confortablement, on va voyager seul finalement. On va pas être en contact avec la population locale. Donc là, il est arrivé un moment où j'ai dû un peu me résigner et puis rappeler la famille en me disant bah, aidez-moi parce que je peux pas rentrer quoi sinon. Mais enfin, on m'a payé un billet d'avion et là, je suis rentré en France. Je sais pas si j'avais eu plus de moyens, j'aurais vraiment continué. Quand j'étais chez ce Burkinabé, qui s'appelle Ahmed d'ailleurs, tiens, il a quand même hébergé une semaine, il faudrait que je me rappelle de son prénom. Il avait son oncle qui était lui de Côte d'Ivoire, et il m'avait un peu parlé de la Côte d'Ivoire, et puis des pays voisins, enfin le Togo, le Ghana et tout ça. Et il m'avait dit, ouais, tu peux aller là-bas, c'est sympa et tout. Et puis c'est vrai que j'avais quand même à l'esprit de m'y rendre, quoi, de continuer. Mais bon, au bout d'un moment, je me suis dit, ouais, mais c'est un peu. Je m'engage vers quelque chose et finalement, au bout d'un moment, je vais me retrouver dans une impasse. Et c'est vrai que financièrement, j'ai aucun revenu. Travailler en Afrique, pour moi, c'était pas imaginable parce que les revenus, je sais pas, enfin, je les connaissais pas, mais j'imaginais qu'ils étaient dérisoires et qu'ils allaient certainement pas me permettre, en tout cas, de rentrer en France, quoi. Je me suis jamais vraiment dit, j'ai peut-être fait une connerie, mais je me suis dit. C'était un peu inconscient comme départ, ce voyage. Je m'étais jamais posé la question jusqu'à ce jour-là, du moment où j'allais plus pouvoir le financer quoi, et continuer. C'est vraiment quelque chose qui te bloque, quoi, parce que tu peux pas compter constamment sur la solidarité des gens, surtout quand c'est des gens quand même qui sont relativement pauvres, quoi. Donc, je me suis dit, bon, bah. Tant pis, quoi, c'était une bonne expérience, mais bon, faut assumer un peu les conséquences, quoi, ça peut pas être éternel. Après, c'est vrai que j'avais pas énormément d'expérience du voyage à l'époque, donc peut-être qu'aujourd'hui, si ça m'arrivait, j'aurais peut-être essayé un peu plus, quoi, de poursuivre le voyage par d'autres moyens. J'étais quand même un peu triste de laisser ces gens qui étaient finalement les seules personnes avec qui j'étais. T'es resté plus d'une journée quoi, enfin avec qui j'avais un peu vécu quoi. Après c'était très légitime de leur part, mais c'est vrai qu'ils me demandaient tu vois un peu de l'argent et tout ça. C'était des adieux qui se sont faits un peu comme ça, c'est vrai qu'ils m'ont dit au revoir et tout, ils m'ont accompagné à l'aéroport, mais c'était toujours bienveillant, mais ils attendaient quand même toujours un peu quelque chose en retour quoi, qu'ils attendaient. À l'époque, ça me refroidissait un peu, parce que c'est vrai que je sentais que c'était un peu intéressé comme relation. Bon, aujourd'hui, je trouve que c'est aussi très légitime, quoi. C'est vrai qu'ils ont y a quelqu'un d'Europe qui vient les voir et dit, bon, c'est une occasion aussi de pouvoir obtenir quelque chose, quoi. Donc, un peu partagé entre la tristesse de les quitter, parce que c'était bien entendu et tout, c'était quand même assez sympa de rencontrer ces gens, et aussi une certaine déception, quoi, vis-à-vis de ça, quoi, de fait que ce soit intéressé quand même, une amitié un peu intéressée, même si c'était pas que ça. Je suis rentré en France, et là donc j'ai dû un peu quand même avoir une explication avec mes parents, qui avaient été quand même très inquiets par mon départ précipité. On en a discuté et tout, et c'est vrai qu'à l'issue de cette discussion, ils m'ont demandé, mais maintenant qu'est-ce que tu veux faire, quoi? Qu'est-ce que tu penses faire? Ce serait bien quand même que tu tentes le bac, quoi, même si tu penses que tu vas pas l'avoir. Effectivement, ce que j'aurais dit, c'est non, il y a très peu de chances que je l'aie, puisque là j'ai loupé quand même tous les cours. Je ne pense pas retourner non plus au lycée pour revoir ces gens, parce que j'ai fait un peu une croix dessus, et puis c'est ça. Pour moi, ce serait encore plus un échec que de retourner là-bas après avoir vécu tout ça, quoi. J'ai un peu révisé le bac, mais à ma façon, c'est-à-dire pas trop, un peu à la cool, quoi. Et puis finalement, le bac, je l'ai pas eu cette année-là. Et l'année suivante, je me suis inscrit au CNED. Donc le CNED qui est un système de cours par correspondance. Et l'idée, c'était que je parte à l'étranger. Donc je parte 2 mois en Espagne et après 2 mois aux États-Unis pour renforcer vraiment mon niveau de langue. Et d'avoir le bac comme ça. En fait, quand j'étais en France, quand j'allais donc dans ce lycée et tout, enfin ça venait sans doute de moi aussi, mais j'avais du mal à être en relation avec les gens, à m'ouvrir un peu aux autres. Et c'est vrai que ce voyage, il m'a permis de me rendre compte que le dialogue était possible, en fait, avec les êtres humains, quoi, que c'était pas quelque chose d'impossible. Alors que c'est vrai que quand j'étais au lycée, à La Bruyère, j'avais vraiment du mal à communiquer avec les autres. Et en fait, c'est ce qui m'a fait un bien fou, c'est dès que je suis arrivé au Maroc, après, c'est des gens qui sont très communicatifs aussi là-bas et assez curieux. Donc, c'est vrai qu'on a tout de suite pu parler, beaucoup échanger. Ils sont souriants, ils sont accueillants et c'est vrai que ça m'a un peu, je sais pas, ça m'a un peu ouvert quelque part. Et après, ça m'a ouvert aux gens qui viennent de l'étranger. Mais c'est vrai que ça m'a sans doute aussi ouvert aux gens en général, quoi. Donc c'est ça, je pense que ça a apporté, ce voyage, il a surtout apporté plus d'optimisme dans ma façon de penser, quoi. Je pense que voyager, c'est un peu aussi comme aller goûter un plat qu'on ne connaîtrait pas. Par exemple, si quelqu'un a l'habitude de manger tous les jours des pâtes. Bon, déjà, c'est pas très sain, mais donc c'est vrai que ces gens-là, ils ont du mal à goûter autre chose. Ils vont pas aller vers autre chose que ce qu'ils connaissent, quoi. Ils ont peur de l'inconnu. Et c'est vrai que d'aller passer cette barrière de l'inconnu, c'est intéressant. S'ouvrir au monde, c'est aussi un peu ça, quoi. C'est-à-dire que si on se limite à ce qu'on connaît, bah c'est un peu triste parce que finalement, il y a beaucoup de choses à apprendre des autres pays, des autres cultures, des gens qui viennent d'ailleurs. Et eux, ils ont aussi à apprendre de nous. Donc finalement, c'est un échange qui va dans les deux sens. Si on initie les jeunes au voyage assez tôt, ils vont pouvoir se rendre compte que par exemple, enfin surtout si c'est un voyage dans un pays pauvre, c'est vrai que si on les envoie en Norvège et tout, peut-être pas, mais si on les envoie dans un pays qui est un peu sous-développé, en tout cas par rapport à la France, ils vont se rendre compte de ce qui se passe ailleurs, et peut-être que ça va changer aussi un peu leur façon d'agir. Je sais pas, mais par exemple quelqu'un, je reprends un peu l'exemple de la nourriture, mais quelqu'un qui finissait jamais son assiette quand il était gamin, et qui finalement jetait ce qu'il n'avait pas fini à la poubelle, peut-être que s'il va dans des pays où les gens meurent de faim, et peut-être qu'il ne le fera plus. Donc finalement, on tire un certain enseignement de ces voyages. Mais après, il n'y a pas que ça, mais c'est vrai que. Mais je pense que ouais, on a tout à apprendre d'un voyage. Toujours quelque chose, toujours un enseignement à tirer, quoi. Merci à Hugo d'avoir partagé avec autant de sincérité son expérience. Comme d'habitude à la fin de Feu de camp, l'invité du mois vous propose de découvrir ou redécouvrir pour certains quelques pépites qui l'ont marqué. Hugo commence sa sélection avec un film, L'homme qui voulait vivre sa vie par le réalisateur Éric Lartigot. Adaptation d'un célèbre roman de Douglas Kennedy publié en 1997, The Big Picture, le film retrace l'histoire de Paul Exben, un avocat à la réussite professionnelle qui n'a d'égal que l'échec de sa vie privée. Une seule passion l'anime, la photographie. Lors d'un accident, il tue quelqu'un et décide de changer complètement de vie pour emprunter une nouvelle identité, un nouveau métier, une nouvelle vie somme toute. Dans le rôle principal, Romain Duris, secondé par Marina Foïs, Nils Sarstrup, Catherine Deneuve. Les photographies du film proviennent du photographe Antoine Agata, bref, un film à voir absolument. Hugo poursuit ses conseils avec le livre de Laurent Gounelle, L'homme qui voulait être heureux. Entre philosophie et développement personnel, l'auteur aborde de nombreux sujets de fond qu'il rend accessibles, comme par exemple la recherche du bonheur. Dans ce livre, le personnage central de l'histoire part en voyage à Bali. Là-bas, il rencontre un vieux sage qui semble étrangement le percer à jour. Pour lui, le narrateur est en bonne santé, mais malheureux. Avec beaucoup de sagesse, il amène un nouvel éclairage sur sa vie et son vécu qui le pousse à se découvrir comme il ne s'était jamais imaginé. Pour finir en douceur, Hugo vous recommande la chanson Space Oddity. Premier succès de David Bowie suite à la retransmission par la BBC de l'alunissage d'Apollo 11, le titre signifie littéralement « bizarrerie de l'espace », qui n'est pas sans rappeler l'Odyssée de l'espace de Kubrick, sortie l'année précédente. La chanson retrace l'histoire de Major Tom, dont le décollage se déroule parfaitement, mais qui se retrouve en difficulté et finit par errer dans l'espace sans contact avec la Terre vers une fin probable. Encore merci à Hugo d'avoir pris le temps d'échanger ses essentiels et son expérience avec nous. N'oubliez pas, si vous l'avez apprécié, de partager cet épisode autour de vous, et pourquoi pas de lui donner un coup de pouce sur iTunes en lui donnant 5 étoiles. Bel été à vous et à très vite pour un nouveau feu de camp.